Poursuivons donc notre lecture de l'Évangile de Matthieu pendant cette année A. Matthieu qui a le souci, enfin qui écrit en particulier pour les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens d'origine juive. Et ça va se sentir dans ce texte. Nous sommes dans la partie de l'Évangile ou du ministère du Christ, où Jésus prend un certain recul par rapport à son activité. Les premiers chapitres nous ont montré Jésus, un prédicateur charismatique, thaumaturge. Les gens viennent l'entendre, sont bouleversés par sa prédication, ses miracles, ses guérisons. Mais nous sommes dans la période où Jésus prend à la fois un recul géographique, c'est-à-dire qu'il se retire de Galilée, et un recul spirituel où il va faire, on dirait aujourd'hui, un peu de coaching, de leadership avec ses douze, avec ceux qui sont le plus proches. Mais un recul géographique qui va le conduire dans la région de Tyr et de Sidon, qui est l'équivalent aujourd'hui du Liban et qui signifie qu'il est en dehors du territoire d'Israël. Alors, c'est au détour d'un chemin que cette femme cananéenne le prend par surprise peut-être et lui demande, en s'adressant à lui d'une manière très juive, elle qui ne l'est pas, en disant « Fils de David, aie pitié de ma fille qui a un démon. » Et Jésus ne lui répond rien, puis ensuite il lui dit « On ne donne pas le pain aux petits chiens, mais aux enfants. » Et ce qui est admirable dans cette histoire, c'est la vivacité d'esprit de cette femme qui va dire « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » Alors il me semble qu'il y a deux leçons que l'on peut tirer de cet évangile. D'abord, une leçon théologique qui éclaire un peu la réaction de Jésus, qui évidemment n'est pas très amicale. Ça nous fait penser à la fois où Marie a demandé à Jésus un miracle, il a dit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas venue. » Mais il faut comprendre que Jésus est venu pour réaliser le plan que le Père lui a communiqué. Et ce plan, eh bien, c'est de donner la primauté au peuple d'Israël. Cette primauté, eh bien, elle existe depuis des siècles. Israël a la conscience d'être un peuple élu, sanctifié, qui a reçu la loi de Moïse, les prophètes, le culte, la terre promise, le temple, toutes ces institutions, tout cet héritage, ce patrimoine spirituel. Et il a conscience de son caractère particulier de peuple choisi. Il y a quelque chose dans la réaction de Jésus qui ressemble à celle que vous pourriez trouver chez un juif pieux aujourd'hui en Israël ou un juif ultra-orthodoxe qui préfère changer de trottoir s'il vous voit arriver ou qui n'ira jamais manger dans votre maison et ne vous invitera jamais chez vous. Ce n'est pas qu'il vous méprise, mais c'est qu'il veut garder pur son caractère particulier d'homme appartenant à un peuple saint, un peuple mis à part par Dieu. Et de fait, quand on regarde l'Évangile, Jésus a passé 99% de son temps à s'occuper du peuple d'Israël. Mais le plan de Dieu, la sagesse de Dieu, certes, a donné le privilège à Israël, et les dons de Dieu sont sans repentance, mais c'est en vue d'un projet plus large. Israël est comme un œuf, si on peut dire, dans lequel est caché un oiseau. Et cet œuf doit craquer et donner sa pleine mesure. Ce sera l'œuvre de Jésus par sa mort et sa résurrection. Et c'est pourquoi cet événement a quelque chose de suggestif par rapport à cela. Si Jésus va dans ce territoire, s'il se laisse toucher par la foi de cette femme, eh bien, il y a une leçon. Jésus laisse déjà perler, essaie de faire comprendre progressivement à ses disciples que le salut qu'il propose va s'élargir. Et surtout, la leçon théologique, c'est que l'homme n'est pas justifié par la loi, comme dit saint Paul, mais par la foi en Jésus-Christ. Cette femme, donc, ne pratique pas la loi de Moïse, ne vient pas de cette race élue, mais Sa foi a touché le cœur de Dieu, le cœur du Christ. Et ce sera le grand enseignement de saint Paul de dire que il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous sont pécheurs. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Lui qui leur donne des justes par sa seule grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé sur la croix afin que par l'offrande de son sang, il soit le pardon pour tout homme qui est devenu croyant. Donc, la justice, ce qui nous réconcilie avec Dieu, c'est la foi. Et cette foi va abolir toutes les divisions. Saint Paul dit que le Christ a brisé le mur de la haine, ce qui séparait les Juifs des non-Juifs en abolissant les prescriptions de la loi mosaïque. Il a voulu nous rassembler tous ensemble en un seul corps par son sang versé sur la croix. Donc, oui, Jésus obéit au plan du Père qui privilégie Israël, Israël qui est le premier, mais malheureusement, comme dira Jésus, les premiers seront parfois les derniers, et les païens seront les derniers, mais parfois les premiers. Car on a beau être membre du peuple élu, si notre cœur reste fermé à l'Évangile, eh bien cela ne nous sert de rien, et si on n'appartient pas à cette race exclusive, si l'on croit en Jésus, eh bien, on est héritier, on est membre du même corps, on est part de la même famille, dit Paul. Donc, une leçon théologique, une primauté à Israël, mais Israël qui reçoit un avertissement en disant que ce privilège ne sert à rien sans la foi en Jésus-Christ, et un avertissement aux païens pour dire qu'il faut toujours respecter cette primauté. Et les dons de Dieu sont sans repentance et Jésus honore cette vérité. Une leçon spirituelle peut-être aussi, c'est l'attitude de cette femme qui exerce sa foi sans se laisser décourager. Au fond, elle a appris la leçon évangélique, « Frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. » Un peu comme cette femme dont Jésus donne l'exemple, cette pauvre veuve qui allait voir ce juge inique, qui était exaspérée par son insistance et qui lui a fait justice pour avoir la paix. Jésus nous invite à persévérer dans la prière, même si parfois il ne semble pas écouter. Mais c'est dans cet exercice de cette vertu de foi que notre foi se purifie, que notre prière devient de plus en plus, au fond, celle de Dieu en nous. C'est l'Esprit Saint qui va nous apprendre à prier, car nous ne savons pas prier, dit saint Paul, mais l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, et c'est lui qui nous inspire une prière qui va rejoindre les desseins de Dieu. C'est une invitation pour nous à exercer la foi. L'autre jour, je parlais dans un banquet de mariage avec une dame qui m'expliquait comment sa conversion a commencé. Elle était au lycée en France. Elle avait échoué son examen de baccalauréat et puis à l'écrit. Puis ensuite, elle avait un examen oral et il n'y avait qu'un sujet qu'elle avait préparé. Puis elle a prié Dieu que ça tombe sur ce sujet. Elle a pigé et c'est tombé sur le sujet. Et elle dit, ça a été le commencement de mon cheminement de foi. J'ai vu que Dieu m'exauçait, qu'il prenait soin de moi. Qui n'a pas fait ça aussi dans sa vie? Moi, je me rappelle comme enfant d'avoir fait des prières comme cela dans mon simplicité du cœur et d'avoir été exaucé. C'est important de faire cette expérience que Dieu exauce. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. La foi nous met en contact avec Dieu dans son mystère vivant. Comme on ne met pas la main dans l'eau sans se mouiller ou dans le feu sans se brûler, on ne fait pas un acte de foi sans que cela touche le mystère de Dieu. Et comme Dieu est un bien diffusif de soi, comme Dieu est amour, si nous le touchons par la foi, il nous donne sa grâce. Il nous donnera la grâce qu'il veut, mais il nous la donnera certainement. Car Jésus dit « Celui qui croit a la vie éternelle ». Il a la vie de Dieu en nous. Donc, persévérons dans la prière, exerçons notre foi et laissons Dieu nous répondre à la manière qu'il voudra selon sa sagesse. Amen.